pendant que l'entourage de Dom Pedro complote plaisamment pour que Béatrice et Bénédicte reconnaissent enfin leur amour réciproque, de son côté, Don Juan complote sérieusement avec Boracchio de sa suite pour faire échouer le mariage de Claudio avec Hero, car Don Pedro a obtenu de Leonato que Claudio épouse Hero. C'est décidé, Boracchio. Le comte Claudio épousera la fille de Leonate. Oui, monseigneur, mais je puis empêcher cela. Tout obstacle, tout empêchement, toute entrave sera un soulagement pour moi. Je suis malade d'aversion pour cet homme. Pour tout ce qui traversera ses désirs, secondera les miens. Comment peux-tu empêcher ce mariage? Par une voie pour une aide, monseigneur, mais par une voie si couverte qu'on ne verra en moi rien de déshonnête. Indique-moi vite comment. Je crois avoir dit à votre seigneurie, il y a un an, à quel point je suis dans les faveurs de Marguerite, la suivante d'Héro. Je m'en souviens. Je puis, à telle heure indue de la nuit, la poster en évidence à la fenêtre de sa maîtresse. Que vois-tu là, qui soit de force, à tuer ce mariage? C'est à vous de composer le poison. Allez trouver le prince et votre frère. N'hésitez pas à lui dire qu'il a compromis son honneur en mariant l'illustre Claudio, que vous vanterez hautement, à une catin tarée comme Héro. Quelle preuve donnerais-je de cela? Une preuve suffisante pour abuser le prince, torturer Claudio, perdre Héro et tuer Leonato. Vous faut-il un autre résultat? Rien que pour les dépiter, je tenterai n'importe quoi. Marchez donc. Trouvez-moi un bon moment pour prendre à part Don Pedro et le comte Claudio. Dites-leur que vous êtes sûr que je suis aimé d'Héro. Affectez une sorte de zèle et pour le prince et pour Claudio. Prétendez que si vous avez fait une pareille révélation, c'est que vous étiez inquiet pour l'honneur de votre frère, auteur de cette alliance, et pour la réputation de son ami, ainsi exposé à être dupé par une fausse vertu. Ils auront peine à vous croire sans preuve convaincante. Comme présomption, offrez-leur de venir me voir à la fenêtre de la belle. Là, ils m'entendront appeler Marguerite, Héro, et ils entendront Marguerite m'appeler Boracchio. Amenez-les voir ça, la nuit même qui précédera la noce projetée. D'ici là, je ferai en sorte qu'Héro s'absente, et la preuve de sa déloyauté paraîtra si concluante que le soupçon passera pour certitude et que tous leurs projets seront renversés. Advienne que pourra. Je veux exécuter ton idée, Boracchio. Mets en œuvre toutes les ruses et il y a mille ducats pour toi. Persistez bien à l'accusation et ma ruse ne sera pas en défaut. Je vais immédiatement m'informer du jour de leur mariage.